بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement ? عن النبأ العظيم. Sur la grande nouvelle. الذي هم فيه مختلفون. À propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche ? Et placer les montagnes comme des piquets. Nous vous avons créé en couple. Et désigné votre sommeil pour votre repos. Et fait de la nuit un vêtement. Et assigner le jour pour les affaires de la vie. Et construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés. Et y avons placé une lampe, le soleil, très ardente. Et fait descendre des nuées une eau abondante pour faire pousser par elle grains et plantes et jardins luxuriants. Le jour de la décision du jugement a son terme fixé. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Et le ciel sera ouvert et présentera des portes. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets. Refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. إلا حميما وغساقا. Hormis une eau bouillante et un pu. جزاء وفاقا. Comme rétribution équitable. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte. وكذبوا بآياتنا كذابا. Et traitaient de mensonges continuellement nos versets. وكل شيء أحصيناه كتابا. Alors que nous avons dénombré toutes choses en écrit. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. إن للمتقين مفازا. Pour les pieux, ce sera une réussite. حدائق وأعنابا. Jardins et vignes. وكواعب أترابا. Et des belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse.